Vous êtes à l'écoute du territoire. Un territoire de sous-sol d'église, de centres communautaires et de salles de seconde zone. Un territoire où se dressent des rings de lutte et où la foule s'exalte des acrobaties des combattants. Un territoire qui vibre des impacts entre les corps des pugilistes. Cette semaine, le ring de Limoilou. Alors que les ligues de lutte indépendantes font rarement long feu, à Québec, dans le quartier populaire de Limoilou, la North Shore Pro Wrestling, la NSPW, fête ses 14 ans. À quoi doit-elle sa longévité? Quelle est la nature de la relation singulière entre les spectateurs et les lutteurs et comment cette relation évolue-t-elle en fonction du lieu où l'on combat? Un reportage de Paul Fontaine. La lutte n'est pas qu'un sport, c'est d'abord un spectacle. Un spectacle de l'excès et de l'exagération. Dans le ring, le bien et le mal, sous les traits des lutteurs et lutteuses, s'affrontent dans des combats dignes des plus grandes épopées mythologiques. La foule, éprise de passion et d'exaltation, assiste au théâtre de la justice et de l'injustice. La lutte met en scène, sans flafla superflu, des valeurs morales. C'est un jeu d'opposition. Qui, entre le loyal et le perfide, entre le massif et le chétif, entre le joli et l'affreux, qui aura le dessus sur son adversaire? Les combattants ont à peine fait leur entrée dans le ring que la foule a déjà une idée des forces en jeu et prend sitôt parti. Les alliances et les trahisons, la souffrance et la puissance, la défaite et la revanche, autant de scénarios ubuesques pour symboliser, selon Pierre Falardeau, les contradictions du monde réel. Sans foule, il n'y aurait pas de lutte. C'est son principal acteur. Que ce soit pour canaliser l'agressivité du public ou pour créer du sens dans un monde qui n'en a pas, la lutte est, selon Roland Barthes, un rituel social où s'accomplit précisément ce qui est attendu du lutteur. Mais tout cela peut être dit en toute généralité du catch français, de la lucha libre mexicaine ou du wrestling américain. Et partout au Québec, d'aussi loin que mémoire récente peut se souvenir, c'est-à-dire le 19e siècle, les sous-sols d'église, les centres communautaires et les salles de seconde zone carburent à l'énergie qui emplit les rings. Pourtant, à Québec, dans un quartier nommé Limoilou, la North Shore Pro Wrestling semble se démarquer des autres promotions de lutte. Depuis 14 ans, la NSPW divertit les habitants du coin et s'est enracinée dans le quartier. Quelles sont les particularités de cette ligue de lutte, de ses lutteurs et de sa foule? Et que recèlent les lieux où l'on combat? À Québec, aux abords de la rivière Saint-Charles, frontière naturelle des quartiers Limoilou et Saint-Roch, se trouve le stade Canac. Ce bâtiment patrimonial, construit en 1938, est le domicile du club de baseball professionnel Les Capitales de Québec. Mais le 18 juin 2022, un ring s'élève là où se trouve le monticule des lanceurs. Car en ce soir pluvieux de juin, un spectacle d'un tout autre genre se prépare, le Golden Opportunity 12, organisé par la NSPW. Plus de 1350 spectateurs et spectatrices ont convergé vers le vieux stade pour assister au plus grand gala de lutte indépendante au Québec, du moins depuis son âge d'or des années 1980. Dans le ring, installé au centre du terrain de baseball, le héros local Michel Plante a remporté la ceinture du championnat junior heavyweight dans un épique combat contre trois lutteurs. Affublé d'un costume jaune et rouge, le lutteur à la tignasse blonde représente par excellence le gentil, le combattant loyal, le petit gars du coin. Il sait que l'adulation que la foule lui porte a joué un rôle important dans sa victoire face à ses trois adversaires. La foule puis moi, on est comme... C'est comme la quête ensemble de gagner un titre enfin. Tu sais, c'est mon premier titre en solo à la NSPW que j'ai gagné au stade. Fait que je pense que c'était comme un... Le monde ici, ils sentent qu'ils font comme partie de cette victoire-là. C'est comme ça, je pense, que je l'apporte. Fait qu'ils sentent que quand je gagne, ben, c'est avec eux autres. Puis, tu sais. Il ne faut pas se fourvoyer. La victoire de Michel Plante au Stade Canac a été dûment préparée et ficelée par le scripteur de la NSPW, Michael Style. Plusieurs combats ont pavé la voie vers le couronnement de Michel Plante. Ça a été une succession d'histoires qui ont été bien racontées, qu'on a fait que la foule s'est ralliée derrière moi vraiment pour ce moment-là. Puis, tu sais, quand Mike il a senti que c'était le bon moment, là, il a, comme on dit dans le jargon, il a tiré à la plug. Puis c'est là qu'on a fait la victoire, puis ça a donné le moment qu'on a vécu au stade. Là. Fondé sur des bases aussi artificielles qu'elles puissent être, l'adoration que la foule voue à Michel Plante demeure au cœur de l'expérience de la lutte. Sans cet attachement, la souffrance qu'éprouve Michel Plante lorsqu'il est au tapis, à la merci de son adversaire, n'aurait aucune crédibilité aux yeux des spectateurs. De même, les body slams qui infligent Michel Plante à son opposant ne signifieraient absolument rien. La lutte est donc un ballet, une danse intime entre le lutteur et la foule. Cette relation passionnelle est réciproque car, même si le lutteur est un acteur, il éprouve lui aussi sa part d'émotion. Un des gros fans que j'ai, puis je pense que la foule aussi le ressent, c'est quand j'interagis avec la foule. Dès que j'ai une connexion avec la foule, puis je sens qu'ils sont prêts à ce que je vais ramener ou qu'ils rentrent dans l'histoire qu'on est en train de faire, moi, c'est ça mon fun. Moi, je veux qu'à la fin de mon combat, le monde il se lève de leur chaise. Puis c'est tout le temps mon but, puis tu sais, des fois, on est dur. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, des fois, on finit un combat, puis le monde, ils réagissent à moitié ou quoi. Tu sais, on est déçus des fois de pas réussir à ramener ce que nous, on avait imaginé. T'sais, raconter une histoire, puis avoir le monde, t'sais, regarder le monde en première rangée, puis les voir engagés dans notre histoire, dans notre combat, c'est vraiment ça qui m'allume. Là. Fait que... La relation entre le lutteur et le public a été mise en valeur par le philosophe et linguiste français Roland Barthes. Dans son essai « Le monde où l'on catch », tiré de son recueil « Mythologie » publié en 1957, Roland Barthes met en lumière l'ampleur du jeu entre les pugilistes et les spectateurs. Voici ce qu'il écrit. Le public se moque complètement de savoir si le combat est truqué ou non, et il a raison. Ce qui lui importe, ce n'est pas ce qu'il croit, mais c'est ce qu'il voit. Et pour être bien perçu par le spectateur, la lutte doit être limpide. C'est pourquoi, pour Roland Barthes, la vertu du catch, c'est d'être un spectacle excessif. C'est dans l'excès de son geste que le lutteur parvient à mobiliser la foule. C'est dans l'excès de son geste qu'il incarne le bien ou le mal, la justice ou l'injustice. Le catch propose des gestes excessifs, écrit Roland Barthes. Dans le catch, un homme à terre y est exagérément, emplissant jusqu'au bout la vue des spectateurs du spectacle intolérable de son impuissance, illustre-t-il. L'impuissance du lutteur, sa douleur et sa défaite sont théâtralement amplifiées, tout comme il en est de son retour en force puis de sa revanche. Plus le contraste entre sa souffrance et sa jouissance est fort, et plus la notion de justice devient intelligible pour le public. Mais ce que le catch est surtout chargé de mimer, c'est un concept purement moral, la justice. L'idée de paiement est essentielle au catch, et le « fais-le souffrir » de la foule signifie avant tout un « fais-le payer ». Plus l'action du salaud est basse, plus le coup qui lui est justement rendu met le public en joie. Cette joie de savoir que justice est rendue, la foule l'a fortement ressentie le 18 juin dernier lors du Golden Opportunity 12 au Stade Canac. Dans un combat mix opposant la lutteuse Lou O'Farrell, dite la Phoenix, à Pee-wee, l'homme aux mille sourires, l'arbitre Michael Style, l'actuel scripteur de la NSPW, a dérogé à son devoir de non-ingérence en prenant directement parti pour Pee-wee. Face à un adversaire bicéphale, Lou a tôt fait s'attirer la sympathie de la foule. Puis au terme d'un des plus longs combats de la soirée, la lutteuse est parvenue à neutraliser ses deux opposants, suscitant bien sûr l'euphorie au sein du public. Cette alliance entre l'arbitre Michael Style et le lutteur Pee-wee contre Lou était somme toute prévisible. Lorsque Michael évoluait sur le circuit à titre de lutteur, une féroce rivalité l'opposait à Lou, tandis qu'une relation de vétéran à protéger le liait au jeune Pee-wee. Malgré tout, ce combat était interprété par certains spectateurs comme une métaphore sur la misogynie. On sait pas s'il était vendu, mais ça paraissait très bien. Ses cornes étaient là. Ben, je pense que oui. C'est sûr que je pense que c'est sûrement du sexisme à être genre à la base. Moi, c'est ce que je pense. Ouais. C'est l'industrie est très sexiste, fait que c'est sûr qu'il était vendu comme nous. La lutte, en tant que miroir de la société, porte donc en elle les germes d'un discours critique sur l'état du monde actuel. Dans « La lutte », son mémoire de maîtrise en anthropologie, le cinéaste Pierre Falardeau écrit qu'en tant que rituel, la lutte rend manifeste, à travers divers symboles, un milieu social précis à un moment de l'histoire. Au public, donc, de récupérer ces symboles et de les interpréter selon sa propre perception. L'étudiant qui était alors Pierre Falardeau nuance toutefois l'ampleur de la fonction discursive de la lutte, qui permet à la foule d'en extraire un propos sociopolitique et engagé. Dans son mémoire, il soutient que la lutte est un rituel qui permet de régler au niveau de l'inconscient, mais au niveau de l'inconscient seulement, les conflits vécus quotidiennement dans la société. En 1975, année du dépôt de son mémoire, alors que le mouvement indépendantiste et de libération nationale gagne en ferveur, Pierre Falardeau ajoute, avec son ton pamphlétaire si caractéristique, que ce spectacle populaire est le miroir d'un petit peuple écrasé, exploité, vaincu. Un petit peuple vaincu qui se cherche des victoires, un petit peuple écrasé qui se cherche des héros, un petit peuple exploité qui cherche des raisons d'espérer. Cette analyse de Pierre Falardeau est inscrite dans le contexte sociopolitique des années 1970. Aujourd'hui, dans la foulée du mouvement MeToo, le défunt cinéaste, connu pour ses dénonciations incendiaires, s'accorderait probablement avec certains spectateurs et spectatrices qui voient dans le combat de Lou contre le lutteur Pee-wee et l'arbitre Michael Style un discours d'émancipation féminine et de lutte contre le patriarcat. Le Québec entretient une longue tradition avec la lutte. Dès la fin du 19e siècle, des spectacles amateurs ont lieu un peu partout dans la province. Mais c'est réellement au cours du 20e siècle que la lutte gagne en popularité. L'analyste de lutte à TVA et auteur de plusieurs livres sur le sujet, Patrick Laprade, surnommé l'historien de la lutte, évoque trois âges d'or au Québec. Dans le fond, la lutte, il y en a ici depuis la fin du 19e siècle. Il y a eu plusieurs périodes d'âge d'or qu'on appelle. Si on parle de promotion de lutte locale, ça a été les trois gros âges d'or ont été Eddie Quinn de 39 à 60. C'est cette époque-là qui a vu naître la télévision également. Donc, la télévision a beaucoup aidé la popularité de la lutte. Ensuite, les ans de la lutte qui ont commencé en 66, qui ont terminé en 76. Puis à travers ça, tu as la rivalité avec le Grand Prix. Ensuite, tu as eu une lutte internationale de 1980 à 1987. Donc, ça a été les trois gros âges d'or de la lutte au Québec. Ces époques ont été marquées par de grands noms locaux. Yvon Robert, surnommé Le Lion, Édouard Carpentier, Maurice MacDoug Vachon, Rick Martel, de son vrai nom Richard Vigneault. Autant de patronymes qui font ressurgir dans les esprits nostalgiques les vrilles acrobatiques qui surchauffaient les téléviseurs cathodiques depuis les années 50. Car dès cette époque, Radio-Canada diffusait La Lutte, une communion télévisée consacrée au combat du mercredi soir du Forum de Montréal et qui rassemblait plus d'un million de téléspectateurs semaine après semaine. Selon Patrick Laprade, la télévision, à titre de média de diffusion, est l'un des points communs aux trois âges d'or du siècle dernier. Donc, chacune de ces époques-là, il y avait deux éléments marquants, ben trois éléments marquants, en fait. C'est que t'avais la télévision, t'étais capable de remplir le plus gros aréna de la ville ou de la province, qui était le Forum de Montréal à l'époque. Et puis, t'étais capable également d'avoir des vedettes locales francophones. Puis ça a toujours été un mode pour le Québec. Peu avant la fermeture de Lutte internationale en 1987 et la fin du troisième âge d'or de la lutte au Québec, des promotions américaines s'imposent sur le marché local. La gigantesque WWF, devenue aujourd'hui la WWE, draine les talents d'ici et devient, vers la fin des années 1990, la plaque tournante de la lutte, propulsant ce sport-spectacle à un sommet de popularité. Le contexte est alors idéal pour l'émergence de circuits indépendants locaux. C'est que ça a été tellement une période de lutte populaire partout dans le monde, dont le Québec. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Hey, ben c'est donc bien cool la lutte, je veux faire ça. » Ou « C'est donc bien cool la lutte, je veux en organiser. » Donc, tu as eu beaucoup de Québécois qui ont dit « Hey, ben moi, je veux devenir lutteur, moi aussi. » Puis il y a des promoteurs qui sont nés, puis des promotions qui sont nées à la fin des années 90, début des années 2000 à cause de ça. Puis ce qui a créé un circuit, si tu veux, donc une scène où encore aujourd'hui, tu as une vingtaine d'organisations de lutte partout au Québec. À partir du milieu des années 2000, à Québec plus précisément, deux promotions indépendantes entretiennent une rivalité. Dans le coin bleu, la R2W, qui attire essentiellement les lutteurs locaux. Et dans le coin rouge, la NSPW, qui va chercher les talents montréalais. En 2010, la R2W ferme son ring et la NSPW récupère le lot de lutteurs de Québec, dominant ainsi la scène locale. C'est difficile à expliquer ce qui s'est passé à Québec. La NSPW faisait des choses sans horizon. Puis le mot a commencé à se passer. Puis ils ont commencé tranquillement à s'implanter dans le milieu événementiel de Québec. Il y avait du bon talent à Québec. Je pense que la raison première, c'est le talent qu'on y retrouvait. Parce qu'on avait des gars comme Matt Angel qui sont arrivés. On avait des Marco Estrada. On utilisait du talent de Montréal qui roulait bien. Les meilleurs lutteurs au Québec étaient presque tous à la NSPW. Ils n'étaient pas exclusifs à la NSPW, mais ils étaient tous à la NSPW. Non seulement les meilleurs lutteurs et lutteuses se donnaient rendez-vous à Limoilou dans le ring de la NSPW, mais son scripteur, Michael Style, est selon l'historien de la lutte, un des meilleurs scripteurs du Québec. Dans une promotion de lutte, le scénariste est le héros de l'ombre. C'est l'architecte des rivalités et des alliances. L'imminence grise qui décide du vainqueur, la main invisible qui, pour reprendre les mots du lutteur Michel Plante, tire la plug le moment venu. Il doit avoir une bonne connaissance de son public, savoir lui offrir ce qu'il demande, certes, mais également concocter, en secret, les imprévisibles retournements de situation. Pour Patrick Laprade, le succès de la NSPW tient en partie à la qualité de ses histoires, ce qui lui a permis d'attirer tout un éventail de spectateurs et spectatrices. Moi, à un moment donné, j'allais là souvent à Québec, là, dans les années 2015-2016. C'est là un peu que, au milieu des années 2010, c'est là qu'on a vu un changement. Puis moi, le changement que j'ai noté, c'est que non seulement les foules augmentaient, mais ce qui constituait les foules, le démographique de la foule avait changé. On voyait de plus en plus de femmes, de filles qui venaient là en gang, tu sais, ou qui accompagnaient leurs copains. Et ça devenait un peu comme une sortie. C'est au lieu d'aller voir un spectacle d'humour, au lieu d'aller au théâtre, on allait voir la lutte. Parce qu'on ne se le cachera pas, là. Surtout sur le circuit indépendant, le démographique que tu attires habituellement, c'est des hommes, des jeunes de 18 à 40 ans, mettons. À partir du moment où tu arrives à attirer la jambe féminine ou que le gars amène sa blonde à la lutte, ben là, ça veut dire que tu as pogné quelque chose. Ça veut dire vraiment que tu as une coche de plus. C'est ce que la NSPW a réussi à faire par le talent qu'ils avaient, par les lutteurs, lutteuses qu'ils avaient, par les histoires qu'ils ont créées, donc les scénarios. Le vrai catch, écrit Roland Barthes, le vrai catch, dit improprement catch d'amateur, se joue dans les salles de seconde zone, où le public s'accorde spontanément à la nature spectaculaire du combat, comme fait le public d'un cinéma de banlieue. À Limoilou, cette salle de seconde zone se trouve au centre-horizon. Érigé en 1948 dans le quartier populaire du vieux Limoilou, le centre-horizon est l'un des plus anciens lieux où se déroule la vie communautaire de la vieille capitale. Pour le passant qui erre près du centre-horizon, il ne fait aucun doute qu'il se trouve dans un quartier au passé prolétaire. Car à l'est, le marcheur aperçoit le chemin de fer du Canadien national, par-delà lequel se dressent les cheminées de l'incinérateur municipal et celles de la papeterie Whitebirch. Au sud, il distingue les tronçons bétonnés de l'autoroute aérienne du Frein-Montmorency. Puis à l'ouest, le promeneur voit des rues exiguës, bordées de triplex et de quadruplex, eux-mêmes revêtus de briques rouges, oranges et jaunes, toutes les teintes d'ocre typiques de ce quartier densément peuplé. Enfin, au nord, le regard du passant errant s'arrête sur l'église Saint-Charles de Limoilou, qui héberge aujourd'hui une troupe de cirque. C'est donc dans ce quartier éminemment populaire que la NSPW a élu, naturellement, son domicile. Au centre-horizon, au milieu d'une large salle aux murs couleur saumon, il se dresse un ring, une estrade surélevée pour que tous et toutes puissent apprécier les combats. Trois cordes et quatre coins, une géométrie rudimentaire qui délimite l'arène et sur laquelle les lutteurs n'hésitent pas à se hisser pour assonner une violente descente du coude à leur adversaire allongé au tapis. Pour la première fois en 14 ans d'existence, la NSPW tiendra la moitié de ses combats au centre-horizon à Limoilou et l'autre moitié au Théâtre Le Diamant, situé en Hauteville et propriété du metteur en scène et acteur Robert Lepage. Pour le promoteur et fondateur de la NSPW, Steve Boutet, les galas au diamant permettent de faire connaître la NSPW au plus grand nombre. Parce que moi, je me suis fait dire par une madame qui le premier gala au centre au diamant, la madame est arrivée en robe de soirée. Elle s'en allait comme voir du théâtre, mais finalement, elle aimait ça. Puis on l'a revue ici. Puis elle m'a dit, moi, j'ai entendu parler du centre horizon comme quoi c'est une jungle comparée au diamant. Puis, tu sais, elle a eu plus de plaisir ici qu'au diamant parce qu'elle dit, le monde, tu sais, sont déchaînés au diamant. C'est, le monde sont gênés, ils connaissent pas tant ça, mais ils embarquent. Même si la moitié de la saison 2022-2023 se déroulera au Théâtre Le Diamant, seuls les matchs ayant lieu au centre-horizon contribueront à l'évolution du scénario. En Hauteville, aucun titre ne sera mis en jeu, aucune alliance ne sera formée et aucune trahison ne sera machinée. Tout cela est réservé pour la foule de Limoilou. Non, c'est deux publics différents parce qu'au Diamant, il y a beaucoup de gens qui viennent voir « Hey, qu'est-ce que Robert Lepage aime dans ça? » C'est de la curiosité, peu et simple. Ici, à Québec, au Centre Horizon, c'est 100% lutte. C'est le monde, c'est des fans de lutte, des amateurs de lutte, sont critiques aussi. Si tu manques une prise ici, le monde va te le dire dans la foule. Mais tandis qu'au Diamant, le monde sont plus là pour voir le côté théâtral de ça. Même si la NSPW déploie ses ailes sur d'autres territoires, elle demeure solidement ancrée dans Limoilou. Par exemple, pour annoncer les galas à venir, Steve Boutet et son équipe recourent à des stratégies de communication à l'échelle d'un quartier. Avec Vincent, un de nos bénévoles, on fait des runs de posters à chaque mois qu'on met des posters. Ça marche encore. Puis, tu sais, bien souvent, on rentre dans un commerce, puis le monde est content de nous voir, puis ils disent, ah, c'est quelle date le prochain gala? Puis, tu sais, dans les rues de Limoilou, sur des billots de bois devenus des poteaux électriques, des affiches annoncent le 400e gala de la NSPW. Rendez-vous le 17 septembre à 20h au Centre Horizon. Assister à un gala de lutte depuis l'arrière du rideau à un je ne sais quoi de singulier. Dans les coulisses, les masques tombent Les rôles sont des illusions et les symboles sont dépourvus de sens. Les pugilistes, qui un instant auparavant s'envoyaient au tapis, tous ennemis qu'ils étaient, se font maintenant de franches accolades. Celui qui s'aventurerait dans l'arrière-scène assisterait à un spectacle d'un tout autre ordre que celui qui se joue dans le ring. Il y verrait une sincère fraternité ralliant les lutteurs et les lutteuses autour d'un même objectif, offrir le meilleur spectacle et les plus grandes émotions. Alors que la cloche finale retentit depuis un bon moment et que la foule a quitté le centre horizon, les lutteurs et lutteuses plient leur bagage. Dans un petit sac turquoise, Michel Plante range son costume étincelant et sa ceinture de champion junior heavyweight. Dans cette valise anodine se trouve maintenant tout l'attirail nécessaire à l'incarnation du héros, et Michel Plante est redevenu le simple homme qu'il est au quotidien. Quitter le centre horizon et se départir de son déguisement, autant de gestes discrets qui reflète le pouvoir de transmutation du spectacle, pour reprendre les mots de Roland Barthes. Un parallèle tranchant entre le pas modeste de l'acteur-athlète qui quitte le ring et le geste excessif du lutteur qui anime la foule. Et entre les deux, un monde. Le premier est anonyme, le second est la clé pour distinguer le bien du mal. C'était Le Ring de Limoilou, un reportage de Paul Fontaine avec l'assistance de Renaud Chicoine McKenzie. Nous tenons à remercier notre mentor de la Canadian Association of Journalists, Tracy Lindman. Notre musique originale est composée par Hugo Méran. Cette émission est co-réalisée par moi-même, Renaud Chicoine McKenzie et Paul Fontaine. Nous remercions pour leur soutien financier la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, ainsi que l'Association des étudiants et étudiantes de la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à 8h sur les ondes de CISM 89.3 La Marge pour être de nouveau à l'écoute du territoire.